Je t'aime né, au cime du contrepoint sublime, un royaume où tu dois rendre hommage à la musique. Musique, tu es venu jusqu'à moi pour une seule raison. Lorsque je t'ai entendu chanter, j'ai eu besoin de toi pour me servir, pour chanter ma musique. Ma musique. Les ombres appellent toutes nos sensations, agite, excite notre imagination. Nos sens en silence abandonnent leur défense. Sa splendeur respire la nuit, elle vibre avec lenteur. Détourne ton regard, l'aube est glaciale et cruelle. Distrait ton esprit du jour si froid et terne pour écouter la musique. Tes plus sombres rêves, laisse au loin tes souvenirs, oublie tout. Ferme les yeux pour que ton esprit s'envole pour connaître une vie d'extrême bonheur. Habile, tranquille, la musique nous caresse. Envoûte, écoute, c'est une pure promesse. Les démons te viennent. Que tes visions se déchaînent dans la noirceur des ténèbres irrésistibles. La noirceur de la musique de la nuit. Ton esprit se transporte vers un nouveau monde. Ton passé faire sur cette onde, que ton âme te mène au bout de ton choix. Et seulement tu pourras être à moi. Excitation céleste, que le rêve commence, ta noirceur face à l'égence, à la puissance de la musique que j'écris, la puissance de la musique.